Comment dites-vous milieu? Chong. Bip, hein, le pouce vert couché. Alors le mot Chine ou empire du milieu en chinois se dit milieu pays. Chong, guo, guo, le doigt bleu levé, guo, Chong, guo, pour Chine. Alors maintenant, décomposons cette expression. Comment dites-vous milieu? Chong. Chong. Et l'autre mot qui signifie empire ou pays? Guo, le doigt bleu levé, guo. Alors encore une fois, comment dites-vous empire ou pays? Guo. Guo. Alors nous avons donc ce son que l'on fait monter. Donc pour désigner la Chine, on emploie l'expression empire du milieu. Mot à mot, milieu empire, milieu pays. Qui se dit Zhong Guo. Zhong Guo. Donc, pour les Chinois, la Chine est au centre du monde. Et peut-être que vous pensiez que seuls les Occidentaux étaient ethnocentristes. Alors, pour dire je suis Chinois, on dit mot à mot je être Chine personne. Alors, comment dites-vous je suis Chinois? 我中国人. Alors décomposons la phrase mot par mot. Je. 我. Suis ou être. Oh, j'ai oublié de dire le shi. Oui, et comment dites-vous empire du milieu ou Chine? 中国. Personne. Comment dites-vous tu? L'oiseau, rappelez-vous, l'oiseau fait son ni. C'est ça, le ton rouge, comme un gros morceau de cœur rouge. Alors écoutons ce mot encore une fois. Ni. Hein, un V rouge descendant et remontant comme wo. Comment diriez-vous tu es chinois? Tu? Ni. Est ou être? Shi. Chine. Zhong guo. Personne. Ren. Ni shi zhong guo ren. Je suis chinois. Je. Wo. Suis. Shi. Chine. Zhong guo. Personne. Ren. Wo shi zhong guo ren. Et maintenant, je suis une personne. Et comme le chinois aime les choses simples, vous n'avez pas besoin de traduire le mot une ici. Il suffit de dire littéralement je être personne. Donc, je. Wo. Suis. Shi. Personne. Ren. Wo. Shi. Ren. Maintenant, tu es une personne et sans traduire le mot une. Ni. Shi. Ren. Ni. Shi. Ren. Encore une fois, je suis une personne. Wo shi ren. Wo shi ren. Maintenant, je suis chinois. Je. Wo. Suis. Shi. Maintenant, empire du milieu ou Chine. Zhong guo. Personne. Ren. Wo shi zhong guo ren. Et maintenant, comment dire, tu es une personne. Tu. Ni. Est. Shi. Personne. Ren. Ni. Shi. Ren.